Avant de commencer, ce soir, il m'aurait dit quelque chose. Vous avez... Toi, tu enregistres là. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Donc, avant de commencer le travail ce soir, notez la date d'aujourd'hui, notez les trois choses que je vais dire maintenant. Comme ça, la prochaine fois, quand on va revenir en détail là-dessus. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas par quoi il veut commencer maintenant. Souvenez-vous, si le Seigneur permet, lorsqu'on va finir au mois de juillet, à partir du mois d'août, si le Seigneur permet, on va se concentrer beaucoup plus sur l'Église. De toute façon, ce qui sera l'idée, on ne nous concernera plus. On va se concentrer sur l'Église. On va travailler là-dedans bien, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis des années. Mais c'est devant nous. Bon, notez les trois choses. La première chose, c'est... J'ai vu un style d'animal dans le ciel. Son visage était comme celui du crocodile. Donc, son visage était comme celui du crocodile. Mais son corps n'était pas comme celui du crocodile. Bon, vous savez que le crocodile est comme un reptile. Mais celui-là n'était pas comme un reptile. Mais c'est seulement le visage, à partir de sa nuque jusqu'à ses mâchoires là devant, qui était celui comme du crocodile. Et ses yeux exactement comme celui du crocodile. Quand il m'a vu, il a su que je l'ai vu. Et puis, subitement, je crois que j'ai... Vous m'attendez, n'est-ce pas? Et puis, c'est descendu du ciel, de la position où il se trouvait. Quand ça descendait du ciel, c'est comme si je me retrouvais au même niveau. Et on descendait ensemble. Je savais que le Saint-Esprit voulait que je voie exactement où il se retrouvait. Et puis je l'ai vu atterrir dans le continent européen. Mais ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas le continent européen tel qu'on voit. Et le Saint-Esprit m'expliquait que c'était le continent européen avant que ça ne soit divisé tel que vous disiez, tel que vous voyez là. Parce que quand il a vu ça sur le globe, je ne sais pas comment vous expliquer ceci. Mais quand il se positionne, je peux voir tout le globe en même moment. Et puis j'ai vu exactement l'endroit où il se retrouvait. Il est allé se positionner dans une zone de l'Afrique, quoi, du continent européen. Mais le continent européen n'est pas celui que vous voyez là maintenant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dit que ça, c'est le continent européen avant qu'il ne soit divisé. C'est ce qu'il en est. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Et donc, quand il s'est positionné là-bas, je veux que vous m'observez très attentivement. Vous me voyez, n'est-ce pas? Si vous avez le globe terrestre devant vous et que vous avez la carte européenne de cette époque-là devant vous, cet animal-là, bon, quand il est descendu, il n'était plus comme j'ai vu là. Sur le continent européen, je l'ai vu, j'ai entendu l'ours polaire. Voilà ce que j'ai entendu. L'ours polaire. Et quand j'ai entendu l'ours polaire, il a dit, il est positionné. Voici ce que le Saint-Esprit a dit. Il est positionné dans le pays du froid. Voilà ce que j'ai entendu. Donc, quand il s'est positionné dans ce pays-là du continent européen, il recommence encore. Ce n'est pas le continent européen tel que vous voyez découpé là. Parce que la façon que j'ai vu, c'était uni. Et donc, il s'est positionné là-bas, à l'angle là-bas. Quand il s'est positionné, il s'est mis sur ses pattes arrière. Souvenez-vous, ce n'est pas le même animal que j'ai vu. J'ai vu les yeux de cela. J'ai vu la bouche était comme. Vous savez, les anciens animaux que vous dessinez, on dit dans les films et autres là-bas. Et puis quand il descendait à toute vitesse. Quand il est descendu, c'est là-bas qu'il s'est positionné. Et quand il s'est positionné, j'ai vu plutôt le loup maintenant. On dit l'ours. Les gens ont entendu l'ours polaire. Il est positionné dans le pays du froid. Je vais revenir sur cela lorsque les explications seront permis d'expliquer. Mais maintenant, souvenez-vous. Lorsque vous avez le globe devant de vous et que cette ours-là, l'ours était positionné, était la scène que lui et moi, on était face à face. C'est-à-dire, de la position où j'étais, je pouvais le voir face à face de moi. Mais il était positionné. Donc, comme je suis comme ça, le regardant, lui il était en face comme ça, mais regardant. Donc, il était face à moi. Mais son regard n'était pas sur moi. Son regard était à sa droite, un peu incliné. Donc, il regardait le continent qui est de ce côté-là. D'accord? Donc, il regardait l'Amérique. Donc, de sa position, quand il était positionné, il regardait à sa droite, mais incliné. Il ne regardait pas à droite directement en bas, mais il regardait à droite incliné. Et il a ouvert sa bouche. Donc je vais revenir sur ça une autre fois, parlant de la Russie et des États-Unis. Ceci implique beaucoup de choses par rapport à l'Église. Le Seigneur nous avait dit par rapport à la période qu'on allait vivre. Donc, souvenez-vous, il s'est levé sur ses deux pieds, mais il a regardé à cette direction-là, à sa droite, il a ouvert la bouche. Et donc, prions pour un conflit qui pourra naître entre les États-Unis et la Russie. Voilà donc ce qu'il y en a pour la première chose, la Russie. Parce que ceci a des impacts terribles. Mais pour ce qui est de, par rapport à ce que cette aussi fait et puis sa position, le pourquoi l'Europe est ainsi. Vous savez, si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous aurez certainement certains problèmes. Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez voir Tyr, vous allez voir Sidon, vous allez voir Ninive, vous allez voir la Syrie, vous allez voir le pays du Septentrion. Or, ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible, avec les découpages que vous avez maintenant sur le plan continental, vous ne pouvez pas vous repérer véritablement tel que c'est dit. Mais le Saint-Esprit parle à des royautés. Le Saint-Esprit parle à des royautés, pas à un pays. Bien que les pays là soient investis par ces mêmes royautés, je veux que vous compreniez très attentivement. Vous allez voir Javan, on parle de Javan, le prince de Javan. Vous allez voir, on parle des Perses, des Mèdes. Or, si vous regardez très attentivement, vous dites, la Perse, c'est quoi l'Iran maintenant. Mais avant, en période où on leur parle de ces choses-là, le continent, le territoire qui gouverne n'est pas seulement cela. J'ai comme l'impression que c'est pour cela que le Saint-Esprit a fait ramener l'Europe d'antan. Parce que ce n'était pas limité. Je n'ai pas vu la France, la Norvège, ainsi de suite. C'était vaste. Mais il était là commandant. De l'autre côté, il s'est mis là-dessus. Il a regardé à droite, incliné. Il a fixé son regard là-bas. Ceux-ci ne l'intéressaient pas. Ceux-là n'intéressaient pas dans son territoire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans le territoire. Mais il avait le regard là-bas. L'ours polaire, dans le pays de du froid. Voilà le premier. Donc, on va prier pour... Je vais confirmer, mais il faut fermer ça fait la deuxième fois. Pour un conflit qui pourra naître entre la Russie. Mais ça, c'est la Russie qui attaque cela. Parce que ça, c'est ça, l'attaque. Ça veut dire, il ne sait pas si un esprit est descendu là-bas ou bien il y a un moment, c'est un moment pour faire quelque chose. Dans le plan de Dieu, ils sont censés entrechoquer. La Russie est censée aller frapper les États-Unis, les surprendre de ce matin. C'est dans le plan de Dieu comme ça. Mais il dit, si c'est risquant, si c'est imminent, ça veut dire qu'il y a une implication pour l'Église. C'est ce que je voulais me dire. Parce que c'est avec eux que Dieu va punir l'Église catholique. Donc la deuxième chose, c'est... J'ai vu une montagne en train de causer avec un tas de pierres. Il dit, la montagne était à ma droite, à ma gauche, et le groupe de pierres était à ma droite. La montagne, il dit bien la montagne comme vous voyez là. La montagne parlait à la pierre. Mais ici, c'était un conflit. Et ce conflit se concerne un prophète anglophone, dans un pays anglophone d'expression anglaise en Afrique. Je l'ai vu attaquer. Donc on va prier pour ce prophète-là. Je l'ai vu attaquer, au point où on l'a touché. Mais cette attaque-ci, quand ça lui est arrivé, beaucoup de personnes croyaient effectivement que c'était le jugement de Dieu. C'est-à-dire que c'est que peut-être parce qu'il a fait quelque chose qui ne va pas, mais c'était de l'attaque de l'ennemi. Et le Seigneur a permis que ça se passe parce qu'après cette attaque-là, Dieu augmente encore son onction. Donc quand c'est un prophète, il ne se trouve pas ici au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun. Dans un pays africain, c'est vrai que j'ai vu le nom. Je l'ai même vu avec ce qui lui est arrivé. Mais il faut que je mette ça de cette façon aussi. Donc c'est un pays anglophone de l'Afrique. Quand il a reçu l'attaque, ça a permis qu'il y ait beaucoup de choses sur la télévision. Vous savez, sur les news préparés, les journaux. C'est l'occasion maintenant de tirer le nom du Seigneur en dérision. Mais derrière cette attaque-ci, se trouve la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera attaqué. Il sera attaqué. Ça va arriver. Ceci n'est pas arrêtable. Donc, à cause de cette attaque-ci, pourquoi je vous préviens? Parce qu'en réalité, quand ça va arriver, beaucoup de personnes vont achoper là-dessus. Et pas du côté chrétien. Parce que quand ça va arriver, des choses qu'on pourra raconter, ça va faire la scène que vous pourrez croire qu'en réalité, c'est comme ça que cet homme est. D'accord? Parce que ce qui va lui arriver... Je l'ai vu attaquer. La montagne à ma gauche discutait avec le tas de pierres à ma, à ma, à ma droite et il parlait de ce qui est censé arriver. Mais c'est eux, cette montagne-là et cette colonne de pierre qui sont en train d'attaquer. Ils ont attaqué. Mais et le Seigneur a permis qu'ils le touchent. Je ne peux pas aller au-delà de cela. Donc, on l'a touché. Mais la répercussion, c'est sur les presses, dans les presses et autres là-bas, mais c'est l'opinion de l'Église. L'opinion de l'Église qui est interpellée ici. À l'issue de ceci, maintenant, beaucoup de blasphèmes seront dit, à l'issue de cela, de cette attaque-ci, Dieu va augmenter encore son onction. Ça, c'est un pays anglophone, un pays d'expression anglaise en Afrique. Donc, prions pour nous, pour cette personne-là. Quand je l'ai vu dans la vision, et puis il tente de le prophétiser, sans de lui parler des événements qui vont lui arriver. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il était calme, observant, sachant que tout ce qu'il tente de lui dire était vrai, il observait. Mais il était calme dans sa position. Que Dieu lui donne d'être calme dans ces moments de tribulation. Puisse le Seigneur lui venir vraiment en aide. Mais gardez-vous à l'esprit que quand ces choses vont se rompre, ça va se passer dans le journaux, vous allez voir. Je vous ai donné seulement deux indices. L'expression anglaise, la personne sera attaquée, mais sachez que dans le spirituel, c'est quelque chose, ce sont les esprits qui l'ont attaqué. Et Dieu a permis cela pour pouvoir hausser son onction par la suite. Donc, gardez-vous à l'esprit. Et ceci, ça devrait nous faire comprendre que la prochaine fois, quand vous voyez quelqu'un, on a dû détaxer quelqu'un, un homme de Dieu, de n'importe quoi. Si vous savez que c'est un homme de Dieu, rentrez dans la prière. Ne participez pas au péché. Parce que Dieu va utiliser ça pour châtier. Châtier. Voilà la deuxième. Donc, j'ai dit la première, on prie pour la Russie et les États-Unis. Mais c'est la Russie qui va attaquer. Il va chercher querelle. Chercher querelle. Et vous voyez effectivement que là, on ne peut absolument rien. Vous voyez que chaque chose qui va arriver sur la terre commence d'abord dans les cieux. Or, c'est un esprit qui va venir sur la scène. Un esprit va venir sur la scène pour créer les tensions. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé son esprit aux États-Unis pour régler le compte. Ceux qui sont aux États-Unis prennent attention. Parce qu'après le règne de cet homme-ci, quelqu'un a intérêt à être bon chrétien là-bas. Vous n'êtes pas bon chrétien. Les répercussions seront terribles. Ou bien vous quittez la maison. Je crois que les effets de plus de 3-4 ans, ils disent la même chose. Mm-hmm. Attendez. Alors, la troisième chose, c'est un musicien camerounais que j'observe. Ça fait plus de 3 mois que j'observe ces choses. C'est un musicien camerounais. Il est atteint du VIH-Sida. Et il est conscient de cela, mais il a distribué ça aux gens. C'est un musicien camerounais. Puisse cette voix-ci le repérer. Ça, c'est un musicien camerounais. Il est atteint du VIH-Sida. Il est au courant de cela qu'il est atteint de ce VIH-Sida, mais il a dû le distribuer. Il ne distribue pas, non pas seulement ici au Cameroun, mais à l'extérieur. Il est conscient de son état. Pourtant, il est marié. Pourtant, il a les enfants, mais il continue à faire ces choses-ci. Ne me demandez pas de vous donner le nom. Prions seulement. Prions. Donc, le pourquoi je parle ceci, c'est parce qu'en fait, il y a la voie à disposer de la guérison pour lui s'il se répand. Mais qui se répand publiquement. Pour lui, la guérison, pour que ça change des données. Donc, voici quelqu'un que le Seigneur a désigné que si celui-ci se répand en disant j'étais conscient d'avoir donné le sida à telle fille, quand il faisait cela, je donnais de façon consciente, le Seigneur le guérit. Mais où est-ce qu'on va positionner maintenant l'orgueil? Donc, un musicien camerounais, bien connu. En tout cas, une fois de plus, ici, il ne se répond pas. Quand il va mourir, vous allez savoir de quoi il est question. Ceci également, depuis 3 mois, ils sont des suivis. Mais avant, quand j'avais vu quelque chose, depuis un an, en suivant, ce n'est pas ce que j'avais vu. Je l'avais vu avec ses effets, en train d'aller se préparer pour aller. Il dit, mais celui-ci-là, ça veut dire que bientôt va quitter la scène. Il dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je le surveille depuis. Donc, c'est un musicien camerounais qui a distribué le sida. Donc, à vue aux jeunes filles qui se trouvent, oh, c'est ma star, c'est mon idole. Vous allez prendre l'onction de cette idole-là. Vous voyez? Vous allez trouver, non, c'est mon idole. Un seul acte, et vous êtes contaminé. Un des jours, vous allez à l'hôpital, vous dites, vous avez distribué le sang. Non, il y a 40 de sang. Après, on vous appelle en aparté dans le bureau. On me demande, ça va, oui. On commence à vous poser les questions pour vous préparer psychologiquement. Et lorsqu'on va vous dire que vous avez le VIH, c'est là où vous avez dit que le ciel, vous voyez comment Satan peut prendre quelqu'un, il distribue. Une personne va prendre étant inconscient, distribuer. Une fille va aller coucher avec lui, ayant son petit ami. Il va dire que non, j'ai planté ce mot comme ça. Écoute, elle vient donner à ce garçon. Le garçon, entre-temps, trompe la fille. Pas donner à une autre fille, celle-là de tromper, il distribue. Satan. Satan. Satan. Donc gardez votre cœur pur. Gardez votre corps pur. Gardez votre corps pur. Que Dieu donc vous bénisse. Voilà les trois. Ouvrons le livre de Zacharie. Donc souvenez-vous, si le Seigneur permet, en août, on va travailler. À partir de août, on va travailler, on va se concentrer sur l'église. Quel qu'en soit ce qui va se passer dehors en ce moment-là. Je vous ai seulement dit pour acheter votre livre, regardez. Quel qu'en soit ce qui va se passer sur le plan politique dehors, on aura accompli notre mission. Donc quel qu'en soit ce qui va se passer là-bas maintenant, concentrez-vous sur vous. Quand il parle de concentrer sur vous, c'est ce qu'on va aller deeply, profondément dans la sainte parole pour l'huile qui est censée venir. Il faut qu'on travaille véritablement bien. Il faut que Dieu exclue les gens, il exclue, on avance jusqu'à ce qu'on obtienne cela. Parce qu'il y a la gloire, il y a la lumière qui va briller au pays. Mais pourtant, il faut que le ciel du Cameroun soit nettoyé. D'accord? Ça va, Ézéchiel? Ça va? Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse.